Planet Rap. À partir de maintenant, tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau et totalement inédit. 3, 2, 1. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine, Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go. Ce soir et toute cette semaine, Skyrock reçoit Youssoupha. En direct et pendant une heure complète. Planet Rap. Youssoupha, c'est maintenant sur Skyrock. Youssoupha et l'album Négritude qui est sorti hier. Comment ça va, Youssoupha? Ça va très très très bien. En pleine forme? Très heureux parce que des retours de fou sur l'album. Je vois ça. Sur mes réseaux, sur les gens que je rencontre, parce que on a fait des dédicaces à Châtelet, on a fait. Et il y a des concerts sauvages aussi ce week-end. Des concerts sauvages. Il y en a eu 4 dans la même journée. J'ai jamais fait ça de ma vie. Ça m'a lessivé. J'ai perdu 40 ans d'un coup. J'ai perdu déjà les 40 ans, mais en tout cas super bien. On a fait grave une communication autour de proche du public, tu vois. Et du coup, je peux avoir des retours. Il y a l'appli aussi. Il y a des gens de l'appli qui sont là. C'est quoi vos... Il y a des gens qui sont passés par l'appli pour être là. C'est quoi vos prénoms? Antonin, Samy, Ibrahima. Voilà, qui sont venus, tu sais, parce que sur l'appli, tu dis, tu veux venir appeler à Trap. Tu cliques, tu viens. J'avais aussi des questions de l'appli qu'on va retrouver, je crois qu'elles sont de l'autre côté. Il y a plein de questions qu'ils ont laissées à Youssoupha via l'appli. On peut suivre aussi le Planet Trap en direct avec les images. Le hashtag Youssoupha sur Skyrock, c'est pour balancer des messages. Donc tout va bien. Ouais, tout va très très bien. En cette deuxième soirée, en ce deuxième Planet Rap. Je suis content. En plus, mon équipe, Bombay Music, on a travaillé fort sur cet album-là pour vous mettre bien. On a fait pas mal de clips, on a fait pas mal de promos, pas mal de concert, pas mal d'OP original et les gens sont réactifs. Je vous remercie de votre soutien. Le titre monte, je connais pas ce que moi, tu sais, je suis pas très chiffre, tout ça, j'aime même pas entendre ça, mais je sais juste que ça se passe bien. Donc continuez à soutenir et ça nous fait grave plaisir. On va continuer à balancer du contenu, à vous faire plaisir. Et découvrir des extraits. Il y a du live aussi de hier soir. Tu nous as fait un magnifique méga mix, hein, comme on dit. Méga mix, on disait ça dans les années 90. Frédérico, je devrais dire. Ah, ça t'amuse. Ouais, j'aime bien ça. Toi, ça te fait rire. Momo, dès que tu peux, ça le fait rire. Et en plus, il a sorti un terme, c'était à l'époque de Dance Machine, mon frère. Il a dit méga mix. J'ai pas fait ça. Hein. J'ai pas fait. Je peux pas assumer pour les autres. Difool l'a fait. Ah, Difool, il l'a fait. Ah ouais, mais on va en parler. Ah, tu pourras en parler. Moi, je peux balancer tout. Mais ça, j'ai pas fait. Non, aujourd'hui, comme je vais parler de la tournée. Parce qu'il y a pas mal de dates qui sont tombées, beaucoup de dates. Les gens savent que moi ma priorité c'est d'abord les tournées, les disques je les fais de la manière la plus qualitative que je peux, mais moi c'est la tournée qui compte. Et du coup dès aujourd'hui j'ai envie de prendre le temps. Il y aura des séquences où on va prendre 5 minutes pour annoncer toutes les dates, parce que Fred, je vais pas te mentir, il y en a beaucoup. Et ben tu sais quoi, juste après Smile on va débuter avec un peu de musique, un extrait de l'album avec Emily du groupe Madame Monsieur demain. Qui vient demain, on vous présentera donc le groupe Madame Monsieur demain. Exactement, dans une soirée spéciale. Et là on écoute donc le morceau Smile, c'est extrait de l'album de Youssoupha qui est dans les bacs et qu'on découvre Négritude. Laisse tourner le son. Où sont les sourires au pied de nos tours? C'est pour les rêveurs qui ont des nuits plus belles que nos jours. Lyriciste pente, c'est ça même, refrain. Y'a tous ces rêves que je promène, plaid d'arrêt mon accent. J'ai pas réglé mes problèmes, les coups j'en ai fait 400. J'ai pas tenu les promesses, perdu dans mes passe-temps. Et quand les autres progressent, j'ai l'impression d'être absent. Tout ça n'a pas de sens et ça me donne le tournis. Comment régner parmi les araignées? Je suis une fourmi, mais toujours mon sale orgueil qui résonne comme un écho. Je sais pas si j'ai mal à mon cœur ou mal à mon égo. Tous inégaux, tous énervés. C'est pour ma tante et tout le travail ingrat qu'elle a fait pour nous élever. C'est pour les femmes qui ont apaisé mes soupirs, celles qui m'ont croisé en larmes et m'ont redonné le sourire. Refrain. Yeah. Mes tourments échappent à certains, pourtant ils parlent à d'autres. Et plus le bonheur me tend la main, plus je suis parano. À nos actes manqués, à nos embouteillages, à nos joies tourmentées, à nos coups de théâtre. Et y'a tous ces moments où je décroche, où je pense à me retirer. Je pense aux reproches et à mes proches quand mes défauts remontent. Si j'aime autant mon fils, c'est pas seulement pour ceux qu'il aime, mais aussi pour ceux que je suis depuis qu'il est venu au monde. C'est pour mon grand frère dans le deal, pour tous ses conseils, pour tous ces gens qui m'ont fait grandir à travers les concerts. C'est pour les sœurs qui m'ont pas laissé souffrir, qui m'ont vu quand j'étais seul et m'ont redonné le sourire. Refrain. Maman, on garde le sourire et on brille même dans les pires moments. J'ai pas envie de fuir, maman. On garde le sourire et on brille même dans les pires moments. J'ai pas envie de fuir, maman. On garde le sourire et on brille même dans les pires moments. J'ai pas envie de fuir, maman. On garde le sourire et on brille même dans les pires moments. Ce morceau qui s'appelle Smile à l'instant, c'est extrait de l'album. Avec... Celui-là aussi, c'est un carton, je suis content. Merci pour vos messages qui arrivent depuis tout à l'heure. Et... Avec Émilie qu'on vous présentera demain, elle viendra entre 20h et 21h sur Skyrock. Exactement. Avec Youssoupha. Pour ce morceau que je lui dois beaucoup, mais elle expliquera ça bien demain. Faisait-il partie de ton méga mix? Ça faisait partie de mon méga mix en effet. Mais j'aimerais que par contre, tu as raison, on va se recentrer ce soir sur la tournée. Sur la tournée, ouais. Et juste quand même rappeler quelque chose parce que. Ce moment qui était un peu dur, un peu pénible à vivre pour toi, quand ça s'est arrêté en maison de disques et que tu es reparti en indépendant. Ouais, exactement. Quand c'est vrai après que la tournée a quelque chose qui a été un peu vital, qui a été super important. Je ne faisais que ça en fait. En vrai, il y a plus que. Il y a un moment, je passais plus en télé, je passais plus en radio, j'avais plus de maison de disques, mais nous faisions des tournées. Par contre, et c'est vrai que les tournées remplissaient, il y avait du monde. Exactement. Donc on se battait, on en faisait. On allait dans des villes, deux cases villes dans l'Aveyron, tu connais? Non, mais ça doit être très ouais, sympa. Voilà. Ben moi, je suis allé visiter là-bas des villes où les gens ils veulent pas aller. Moi, je suis allé et les gens me l'ont rendu bien parce que quand l'album est sorti dans les bacs après, voilà. Donc c'est quelque chose qui reste central pour moi. Moi, je pense qu'il y a un jour, sans doute, peut-être que je ferai moins d'albums ou je serai moins exposé en télé, en médias, en radio. Mais je pense que les tournées, ça va me tenir et je trouve que c'est quelque chose que des fois. Le rap français a un peu négligé et moi en fait j'ai pas de mérite, hein. C'est juste que je viens d'une équipe qui s'appelle le Ménage à Trois. C'était mes grands qui faisaient du peura et eux ils acharnaient sur les concerts et voilà, et bizarrement des gars comme Soprano et d'autres qui ont beaucoup comme Kerry James qui ont charbonné beaucoup la scène, bizarrement ça dure longtemps. Je crois à ce projet là. Est-ce que justement à ce moment là quand tu pars en tournée c'est quoi? C'est d'abord avant tout pour te faire du bien toi en te disant bon mais il y a quand même des gens d'abord franchement parce que j'ai fait du rap pour pouvoir toucher les gens, c'est vraiment toucher les gens physiquement, c'est on se check et tout ça. Je comprends pas trop le délire de tu fais un morceau, tu fais un album et après tu restes dans ta cabine de studio bien au chaud, etc. Moi je veux faire du rap sur le terrain. Des fois on fait des concerts gratuits, plein air, festival, concert en salle. Le Jazz Tour c'était incroyable. On est allé en Afrique, au Canada, partout. Ça c'était les tournées, enfin la tournée qui a cartonné. Ouais, mais on se replonge quelques années en arrière, t'as des souvenirs où il n'y avait pas grand monde dans la salle. Ah, beaucoup. Où il fallait. Ah, j'ai des où il fallait essayer de soulever même 2-3 personnes. Non, les souvenirs où clairement on était plus sur scène que dans la salle. Vraiment. C'est-à-dire que tu comptes, tu dis, tu veux pas qu'on échange. C'est-à-dire que vous êtes 4, nous on est 6 sur Allez, scène. Tu vas-y. Venez, on va vous regarder. Exactement, ouais, venez, tu vois. Histoire 2, mais c'était. Après, je me rappelle à l'époque, le truc qui revenait souvent, c'est ouais, mais pourquoi tu continues? Ben, c'est peut-être la mentalité de l'équipe, hein. Bon, My Music, avec Philo et Lassana, c'est que nous, on essaie de faire pas grand chose. On a grave du respect sur le peu que les gens peuvent donner beaucoup, les gens peuvent donner peu, mais on a grave du respect pour ça. Et en plus, on arrive dans une ère du rap français où les gens, des fois, quand ils vendent, 1500 disques, 2000 disques, 10 000 disques, 15 000 disques. Ils disent, ouais, t'as vu, c'est pas énorme, lui, là. Je trouve ça hyper arrogant comme époque. Il faut apprendre à passer les paliers. Il y a des moments, il y a des bas. Il y a des moments, il y a des hauts. On pourra pas me reprocher, en tout cas moi, d'avoir toujours été dans le haut. Moi, j'étais même dans ce qu'on appelait à l'époque un échec commercial. Mais je l'ai jamais vécu comme ça. Moi, j'allais en concert quand même, qui est 300 personnes, 3000 personnes ou 30. On faisait quand même le show et voilà, ça a payé, on va continuer. Alors c'est vrai que ça se ressentait sur Noir Désir, ça se ressent aussi beaucoup sur celui-ci, sur Négritude. Il y a des morceaux qui sont faits pour la scène. Ah ouais, par exemple, on a parlé Salam, Manshaft, ouais, exactement. Manshaft, c'est clairement pour la scène. Salam, on va se l'écouter ce soir, c'est clairement fait pour la scène. Et puis, il y a un morceau qui s'appelle À cause de moi aussi, que j'aimerais bien écouter et en tout cas avoir les avis de... Tu veux qu'on le balance maintenant ou... Ouais, on se le balance maintenant. Je peux juste te raconter un peu l'histoire de ce morceau-là. C'est... Eh bien, vas-y. Il était une fois. Il était une fois. Tu vois, donc c'est le morceau À cause de moi. Ouais, parce que j'avais fait un festival en Bretagne, enfin, en plus sans démagogie aucune, de toute façon je le dis partout où je suis, pour moi en France la Bretagne c'est juste le meilleur public en France, hein, c'est vraiment, c'est des ouf, c'est Rennes, Guingamp, tout ce que tu veux, c'est incroyable. Et on fait un festival Les Vieilles Charrues à Carré qui est énorme, qui est assez incroyable d'ailleurs, on essaie de sortir une grosse performance, le public est au top, même l'organisation elle a été remarquablement accueillie, mais on met tellement la patate que quand on sort de scène, les gens ils nous disent, il y a un agent de sécurité qui nous dit, quand je sors de scène, moi je suis trop content parce qu'on a foutu le zbeul, les gens étaient incroyables et tout. Et un gars qui nous dit, ouais, mais les gens ils faisaient du bruit à cause de vous et tout. Et moi je lui dis, non, ils faisaient du bruit grâce à nous, genre content. Et il dit, ah non, parce que nous dans le rap, quand on fait faire du bruit aux gens, c'est que c'est bien. Et il dit, non, c'est à cause de vous, parce que là en fait, en vrai, pendant votre concert, il y a des voitures, il y a des alarmes de voitures qui ont explosé, il y a des trucs et tout, tellement il y avait des basses et tout, ça a foutu un bordel autour de trucs, donc c'est à cause de vous. Et du coup, le lendemain, je regarde dans le journal local, ils disent, ouais, tu sais, ils font un article, ouais, en fait, à cause du concert de Youssoupha, il y a des trucs qui sont partis en couille, mais pas les gens qui sont partis en couille, mais genre les alarmes de voitures, etc. Et moi, je trouve ça plutôt cool, moi. Donc, du coup, j'ai fait un morceau qui s'appelle « Ils font du bruit à cause de moi ». Et voilà, quoi. C'est histoire de dire que, voilà, nous, le rap, on aime bien quand il y a de l'ambiance. Et voilà. En donc tout cas, écoutez-le. Cette chanson inspirée par le festival de Carré, etc. Sur lesquels j'aimerais bien revenir. Parce que, par contre, je précise bien, eux, ils m'ont remarquablement accueilli. Hein. C'était juste un agent qui voulait un peu faire du zèle après, tu vois ce que je veux dire. Et c'est bizarre. Mais contre, l'ensemble était positif. L'ensemble était extraordinaire. L'une des meilleures dates de la tournée. Sinon, je dirais même pas que... Tu calculerais pas. Le public de Bretagne, c'est le meilleur. Je le redis, on est allé partout, c'est pas impeccable. Ah bah là, regarde, t'as déclenché, Emma de Rennes qui a déclenché, le meilleur public de France est en Bretagne, retenez bien ça. Ah oui, bah là, les Bretons sont partis. Les Bretons sont partis, c'est bien. Allez-y, hashtag Youssoupha sur Skyrock et on écoute donc ce morceau qui est extrait de Négritude. C'est sorti. Yeah. Depuis hier, dans les bacs. Ils font du bruit à cause de moi. Youssoupha. Ils font du bruit à cause de moi. Ils font du bruit à cause de moi. Y'a cet amour qu'on éparpille. Y'a cette musique dans la poitrine. Non. Ce hip-hop n'est jamais parti. DJ Myth laisse encore tourner la platine. Donc, prends ce titre comme une première danse. Et tant pis pour les écrits et ce que les rebelles pensent. Ils veulent au pire que la relève flanche. C'est pour les jeunesses d'Afrique, c'est pour les jeunesses France. Et si ce pays me pousse à la faute, à cette occasion mon avocate sera Olivia Pope. À ce qui paraît c'est notre faute, ça me concerne. Tous ces jeunes dans mes concerts, ils font du bruit à cause de moi. On voit pas les choses telles qu'elles sont, on voit les choses telles que nous sommes. C'est pour les femmes et les hommes qui ont défié la foudre et qui dansent encore au milieu de la foule. Alors on respecte tous ceux qui respectent notre culture, je rappe à l'excès. Et mon présent sera leur futur, on n'est pas sectaire. Leur vision du monde est alléchante, mais je suis perplexe. J'ai connu le rap à l'adolescence et j'ai pris perpète. Expert, on assure le récital, mais on est encore boycotté dans certains festivals. Je me rends, monsieur l'agent, dans mes concerts, y'a tous ces gens qui font du bruit à cause de moi. Ils font du bruit à cause de moi. seul face au monde entier. Seul face au monde, seul face au monde. Et le monde entier se met à chanter. Love music, love music. On est seul face au monde entier. C'est ça même, hein. Et le monde entier se met à chanter ça. Va leur dire qu'ils font du bruit à cause de moi. Ils font du bruit à cause de moi. C'est ça même. Ils font du bruit à cause de moi. Ils font du bruit à cause de moi. Youssoufa, ils font du bruit à cause de moi. Yeah. Ils font du bruit à cause de moi. Boumaï Music. Ils font du bruit à cause de moi. Donc exactement. Ce morceau inspiré par les Bretons. C'est les Bretons, c'est Festival de Bretagne. Ça va maintenant, les Charrues, il n'y a pas que des Bretons. Il n'y a pas que les Bretons. Ouais, voilà, exactement. Mais c'est tellement énorme, les Vieilles Charrues. C'est énorme. Il y a 20, 30 000 personnes. En tout cas, on devrait être fiers d'avoir des festivals comme celui-ci. Ouais. Et avoir une pensée, comme tu disais aussi dans le morceau, au festival qui ne pense pas tout le temps à inviter des rappeurs. Effectivement. Et c'est pas le cas, en l'occurrence, aux Vieilles Charrues. Et c'est pas le cas du Printemps de Bourges. Et voilà. Ou alors, des fois, ils invitent des festivals, mais que du rap. Tu vois. Bon, après le Hellfest, je comprends que vous soyez. Oui, effectivement. Que tu sois pas invité au Hellfest. Ça, c'est normal. C'est le festival. J'ai postulé, le festival hard rock. Gothique, même. Ouais, gothique, ouais. Metal, truc. Non, c'est normal, mais tu vois. Mais il en faut pour tous les goûts, d'ailleurs. Exactement. C'est très bien que ce festival existe aussi. Le rap, je pense, est la moins représentée des musiques dans le festival, dans leur ensemble. Je parle pas. Est-ce qu'il y a des festivals qui prennent du rap? Oui. Mais le rap français, il est un peu planqué des fois par rapport à la proportion, tu vois. C'est qu'on se comprenne bien, parce que après on va me dire, ouais, t'as vu, vous faites les victimes, mais vous étiez là. Non, non. C'est très bien. Bah, en plus, toi, je sais jamais vraiment avoir entendu un discours de victime. Non. Moi, mais... je suis juste ambitieux pour les gens. Hein. Je suis juste avoir certaines personnes, mais c'est vrai que là-dessus, c'est ce qu'on disait même quand l'album marchait pas, j'ai jamais entendu te plaindre. Non, c'est de la faute d'un tel, la faute de machin. Ouais, la faute de le truc souvent qu'on entend aussi, et c'est pas parce que je suis ici je le dis, hein, c'est la faute à Skyrock. Ça, ah oui, je l'ai souvent entendu. Vrai. Ouais, ça, tu l'as entendu. Non, moi j'ai toujours dit, si mes albums marchent, quand ils marchent, en tout cas c'est grâce à moi et mon équipe. Quand ils ne marchent pas, c'est à cause de moi et mon équipe, mais c'est pas ni grâce à Skyrock ni à cause de Skyrock. Je veux pas, c'est trop facile quand ça marche de dire que c'est grâce à soi, quand ça marche pas de dire que c'est à cause de Skyrock ou de M6 ou de n'importe qui, hein, ou de enfin quand ça marche, c'est grâce à Skyrock. Ouais, c'est ça. Laurent Boudot, je vous surveille. Bon, Youssoufa, je crois qu'il te faut du temps pour annoncer. Est-ce qu'on fait les dates maintenant ou tout à l'heure? Tu veux les garder pour tout à l'heure? Ouais. Alors, dans ce cas-là, je vais prévenir déjà les gens. Voilà. Allez prendre un stylo, une parce feuille. Que, ouais, parce qu'il y a beaucoup dates, de dates. C'est hallucinant, de concerts. Les dates. Et il y a des gens qui me demandent, ouais, t'as vu, t'es sur Sky, t'es pas au concert de This Is. Oui, je précise un truc, je suis au concert Malcolm X au Bataclan. On peut dire un mot d'ailleurs dessus, c'est à l'initiative de This Is. Hein, De This Is, la peste. Ouais, en plus, on l'appelle même plus comme ça, en plus. Non, t'as une réminiscence, un truc. Ouais, t'étais bloqué dans le Megamix. C'est à l'initiative de This Is, et ça se passe au Bataclan. Il y a une très très belle affiche. Kerry James, Kazé, Sean, Medine, moi, Dossé, McTayer, Imani, Fada Freddy. En tout cas, très très très belle affiche, et c'est complet, en fait. Ouais, voilà. C'est blindé. Malheureusement, mais tu y vas juste après, hein, donc pour les gens qui c'est pas annulé. Hein, C'est pas annulé. On a déjà fait les répètes tout à l'heure et j'y vais tout à l'heure. Et je peux même vous dire que je commence mon set avec le morceau avec Mehdi de Bloc Identitaire. Donc voilà, je dis tout. Les infos sont balancées. Ah ouais, non, aujourd'hui on parle vrai. Tiens, bah parlons vrai aussi avec cette application, donc l'application de Youssoufa. Ouais. On peut télécharger sur youssoufa.jazzclub.com ou alors un peu partout, hein, sur les Android. Via mon Facebook, vous allez voir, ou même via Internet, en faisant des recherches sur Google, vous allez voir le lien. Et il y a des gens qui voulaient te poser des questions. Donc les questions les plus likées sont posées dans Planète Rap. Ok. Une comme ça qui c'est Mademoiselle Laura qui te la pose, qui voulait savoir si tu vas profiter de l'engouement autour de la sortie de Négritude pour mettre des choses en place au niveau des actions humanitaires, pardon, du côté de Kinshasa, parce que tu avais dit en interview que tu voulais t'impliquer dessus. Ouais. Mais je pense que déjà j'avais ça en tête. Après là, grâce à Dieu, il y a grave de l'engouement autour de Négritude. Mais je crois, même s'il n'y avait pas grand engouement, je pense que c'est quelque chose que j'ai en tête. Et je voulais j'ai déjà même monté une association qui s'appelle Nouvelle École. C'est pour apporter des fournitures scolaires, etc., pour des petits peu des écoles de là-bas. Tout simplement parce que moi je suis venu en France parce que il y avait pas, tu sais, les conditions scolaires étaient pas super réunies. C'est pour ça. Sinon, je serais peut-être pas venu en France. Et tout le monde n'a pas la chance d'avoir mes avantages à moi à Kinshasa. Donc voilà, c'est pas très structuré pour l'instant. J'ai besoin de gens, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de logistique. Pas de thunes. Moi, j'ai besoin de logistique parce on investit. Le principe de l'association que je suis en train de monter, c'est apporter des fournitures scolaires, mais je vais demander des fournitures, de l'aide, des actions, des manifestations, etc. Mais je vais surtout pas demander de dons, parce que je veux concerner les gens, tu vois, acheter des cahiers, etc., des règles, des bics, tu vois, mais surtout pas demander de thunes, en fait, juste pour que ça aille pour les petits peu qui sont déterminés pour aller à l'école, mais qui n'ont pas toujours les conditions. Et puis il faut peut-être la matière première maintenant. Donc exactement, exactement. Et je sais que des fois, après, quand il y a un organisme qui demande à donner, donnez quand vous pouvez, parce que c'est toujours bien. Mais en l'occurrence, pour clore tous les débats, c'est un truc sur lequel, dans la logistique, moi je mets mes propres thunes, moi et mon équipe, mais on vous demande juste. Donc s'il y a quelqu'un qui, je sais pas, qui a peut-être fait partie d'une assos, qui a un peu de temps libre, qui pourrait structurer la tienne, il peut te joindre comment on peut te joindre? Via l'appli, il y a un truc qui on est en train d'ouvrir un onglet qui est consacré à ça. Ça s'appelle Nouvelle École. Et voilà, on commence. Ça t'attend encore un peu parce que je suis trop pris par mes activités artistiques et j'aimerais bien que des gens m'aident. En tout cas, si vous êtes déterminés, moi je suis là pour être le relais de ça et le mettre en place. Et ben voilà, pour répondre à Mademoiselle Laura, il y aura d'autres questions encore tout à l'heure. Il y aura du live que tu feras aussi, Youssoufa, dans un instant. Ouais, on va faire le live d'entourage. Comme je vois mon entourage en concert et que c'est une émission spéciale tournée Love Music Tour, on va écouter tout à l'heure. On va faire un live d'entourage. Et toutes les dates seront données dans quelques minutes. Ne bougez pas, on revient avec Youssoufa et l'album Négritude. Yeah. Ladies and gentlemen. Skyrock reçoit Youssoupha pendant une heure complète ce soir. Planète Rap Youssoupha. C'est Youssoupha, notre invité toute la semaine. L'album Négritude qui est sorti lundi. Ça y est, c'est dans les bacs, en support physique ou en digital pour ceux qui le veulent maintenant. Et en support du cœur surtout. Et en support du cœur. Avant de parler des dates de la tournée, de cette grosse tournée pour Youssoupha. Ouais, beaucoup de dates à annoncer là. On avait promis un morceau de l'album. Donc ça, c'est un morceau. Ça faisait concert. Moi, je me dis limite, tu rentres avec ça. Ouais, exactement. D'ailleurs, tout à l'heure, je crois que je vais le faire pour le concert de DC. C'est vrai. Ouais. T'as vu. C'est la première fois que tu vas jouer sur scène. Ouais, comme tu ça. On l'a joué sur scène, mais l'album n'était pas encore sorti. On le testait sur scène. Testé. Et alors, déjà, on teste. Ah, c'est très très bien. Ça, là, moi, les coups, mais c'est très très bien. Ça passe très bien. Ça passe crème. Comme donc, ce morceau, il s'appelle Salam. Le son a été fait par. C'est qui a fait ça? C'est un jeune belge qui s'appelle Sluzy. Et voilà, des producteurs inconnus, mais qui seront incroyablement bons. Et c'est vrai que c'est aussi un des gros morceaux, mais il y en a tellement sur l'album que c'est compliqué à dire. Ouais, mais. C'est bien. On vaut mieux qu'il y en ait trop que trop peu. Tiens, si vous connaissez pas encore le titre, agissez aussi avec le hashtag Youssoupha sur Skyrock. Et puisqu'on parle de concerts aussi, tiens, dites-nous un peu, parce que quand il y a des concerts, toi, tu te souviens aussi quand t'allais voir des concerts, ouais. T'avais toujours une petite anecdote, un truc, t'avais une discussion, t'avais une histoire. Je sais pas, moi, il m'est toujours arrivé des trucs en concert. Ouais, en fait. Non, il y a un truc. Alors, tu parles de mon côté quand je suis sur scène ou alors c'est. Non, côté spectateur. Ah, alors, qu'est-ce qui m'est arrivé? Non, ce que je propose, c'est que maintenant, aux auditeurs qui ont été te voir en concert. Ah oui, qui a pu leur arriver, quels souvenirs ils ont? Les souvenirs du geste tour ou des précédentes tournées du Youssoupha. Parce qu'on on a dû faire des trucs chelous un peu. Donc allez-y, que ça se passe sur scène ou hors scène, dites-nous un peu vos souvenirs, ce qui s'est passé pendant un concert de Youssoupha avec le hashtag Youssoupha sur Skyrock. On en parlera dans un instant. Et là, on écoute ce titre qui s'appelle Salam. Salam l'Hexagone, salam l'Hexagone, salam l'Hexagone, salam l'Hexagone, salam l'Hexagone, salam l'Hexagone. ce rap jeune peut me donner des ordres. Je suis ambitieux car celui qui craint Dieu ne redoute pas les hommes. Dans ma tête c'est le désordre et je peux partir en vrille. Et dis-toi que le rap n'est pas mort puisque je suis toujours en vie. Moi, je connais pas la trêve quand ton pays me pénalise. Pourtant la nuit je fais des rêves et le jour je les réalise. Et je me présente à tous, que tout le monde se montre. Je m'appelle Youss et j'ai le meilleur public du monde. Et nique la tendance, je ne rappe que ce que mon cœur porte. Car être dans le vent, ça reste de l'ambition des feuilles mortes. Et je me moque de toutes vos modes, moi j'ai ma plénitude. Ne bloquez pas la pellicule, l'album s'appelle bien Négritude. Salam les banlieusards. Salam alaikum. Yeah, salam la capitale. Salam alaikum. Yeah, salam le Sénégal. Salam alaikum. C'est ça même. Salam le Sénégal. La tête haute même si je réussis pas. Je préfère être haï pour ce que je suis que d'être aimé pour ce que je ne suis pas. C'est aussi pas. Y a des remparts dès le départ sur nos accès. Je suis paro dans les backstage. Trop de paroles pour qu'on m'accepte. Mic check, c'est pour mailler musique. Faut pas que la peur de l'échec soit plus forte que l'envie de réussir. On crée nos propres graines, nos propres graines, nos propres rêves. Et beaucoup d'amour propre dans ce hip-hop. On crée nos propres règles. Remets la prod parce que le vide maker. La vie nous prise mais je n'ai pas besoin d'un tout bip. J'ai besoin d'un beatmaker. Où sont mes guides, mes girls? Je viens les dépanner. Moi je suis le meilleur rappeur d'un pays où je ne suis même pas né. Salam les zagos. C'est de vous dont je parle. Salam les zagos. Salam, yeah. Salam les zagos. Salam. Et on est des millions sur terre en train de bouger la tête, yo. Viens dans nos concerts, la fête, c'est pas le net, yo. Personne nous arrête, personne va couper la fête, yo. Quand vos mailles bougent, ça fait boum, salam alaikum. Ok, j'crache mes vices et mes vertus dans l'antipop. Mon rap te guérit et te tue comme du cyanure dans l'antidote. Une sale époque, si je m'emporte, faut que le ciel me pardonne. Certains de mes potes ont vendu plus de drogue, je n'ai vendu d'albums. Mon char, bonne école, le destin. Le doute monte, mais quand on fait comme tout le monde, c'est difficile de devenir quelqu'un. En attendant la trêve, on fait des rêves écarlates en faisant face au carnage. Kinshasa Karma. Salam les Antilles. Salam alaikum. Yeah. Salam Libreville. Salam alaikum. Je vous vois. Salam Côte d'Ivoire. Salam alaikum. C'est ça même. Salam Montréal. Salam. Et on est des millions sur terre en train de bouger la tête, yo. Viens dans nos concerts, la vraie vie c'est pas le net, yo. Personne nous arrête, personne va couper la fête, yo. Quand vos mailles bougent, ça fait boum, salam alaikum. Salam alaikum. Ce morceau qui s'appelle Salam, extrait ouais, de l'album Négritude. Ah, il est ouf ce morceau. Ah, bah il fait réagir aussi. Ouais, ouais, non, mais il est ouf. Avec le hashtag. Plus un sample, gros sample de rumba congolaise. Avec le hashtag, tu disais, Youssoufa sur Skyrock, là, on avait pas mal de. Beaucoup de messages. De messages, des gens qui disaient la combinaison avec Medine et Kerry au Zénith. Urban Peace 3 aussi, qui était un gros souvenir, ouais. Pas mal de trucs. Lola, non, j'ai noté deux, trois trucs sur les souvenirs de ta tournée. Tiens, y a, du côté de Rennes, on dit que tu demandais aux gens du côté de Rennes de faire plus de bruit parce qu'il y avait le concert de Thomas Dutronc. Exactement. En fait, qui nous envoyait ce message. Lui, il avait. J'espère pas que c'est Thomas Dutronc qui t'a envoyé ça. Non, je pense. Lui, pas. Il était dans une plus grande salle, nous, on était dans une plus petite, mais quand même copieuse. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que en fait, son concert, il était vide, en fait. Et nous, le nôtre, il était hyper blindé. Et on se foutait un peu de lui, mais rien. rien, mais normal. Voilà, tu vois ce que je veux dire, mais rien. Des petites taquineries. Mais les, ouais, mais les Rennais, c'est des enfoirés, hein. Ils se sont bien foutus de sa gueule ce jour-là. Mais voilà, t'as un amour pour Thomas Dutronc, un amour. Tiens, il y avait aussi un autre message qui était envoyé en disant: moi, j'ai collé des affiches pour la première partie de Youssoupha de Method Man à Angers. Ah ouais. Tu te souviens de ça? Au Shabada. Shabada. Ouais, je me rappelle de ça. Oui, non, c'était. Oui, ça remonte, ça. Oui, oulala, c'est. Ah ouais, c'était déjà les tournées où on faisait les premières parties des gens, mais tu venais, tu voulais casser la gueule à la scène comme si c'était ton concert. Mais beau souvenir. Il y a beaucoup de messages aussi qui disent: ouais, dernière tournée Youssoupha avec Ice. Ice Criminel, monsieur. Ice Criminel et Sam m'accompagnent toujours sur scène. Aïda aussi vient me rejoindre sur scène. Quelqu'un qui disait que vous jetiez carrément dans la foule. Ouais, non, mais ça, c'est. Voilà quoi. Bon, ça, j'ai arrêté parce que maintenant, je suis papa. Hein, tu vois ce que je veux dire. Moment, il faut arrêter. Ice Criminel, lui, voilà quoi. Il a déjà fait des fois des sauts de l'ange. Il a brisé la colonne vertébrale, je te jure. Nous, on s'arrêtait de respirer, mais bon, lui. Il en a rien à foutre, en fait. Continuez, tiens, vos souvenirs de tournée avec Youssoupha. On parle beaucoup de la tournée du Youssoupha. On filera les dates dans un instant. Ouais. Et par téléphone, il y a la NASME, c'est ça, du Var, la NASME. C'est ça, c'est la NASME, frérot. Ça va ou quoi? Comment ça va, en forme? Bien, et toi? Bah écoute, bien, on est avec Youssoupha. On a une belle semaine, un super album qui s'appelle Négritude qu'on découvre. Ouais, j'écoute. Ça va, Youssoupha? Ça va ou quoi? Ça va bien ou quoi, frère? Cool ou quoi? C'est cool. Ça va, nous on est là, frère. On va freestyler. On va freestyler pour ça. Mets-nous bien. Mets-nous bien. Et bah, c'est parti, mon pote. Le niveau est Léo, frère. On va essayer, t'inquiète. Vas-y, t'inquiète pas, j'ai confiance. Allez, c'est parti. Ok, 1. J'arrive à Capella, ouais, sur Skyrock, je suis pété. Au fil des années, je vois le mal en moi, c'est reflété. Je regarde dans les reflets de verre de cette bouteille cassée. Je revois ce que j'aurais dû éviter de faire durant ces années. Les larmes de maman, les déceptions du daron. Tout ça pour du genre, à quoi qu'on finirait patron. Je pense à mon frère au palon et ceux qui vendent des palettes. On aurait dû s'en faire dans le foot plutôt que de vendre des barrettes. D'ici de ma cabine, les choses me semblent logiques. Non, je sais pas où je dors cette nuit, je crois que ça va devenir mon logis. Je me soigne avec la weed, balèque de thé, posologie. Là, je cogite, sous-shit, je crame même des textes dans le chien. Mon cerveau je le bute, c'est comme ça que je vis. Et les passes, putes, ouais, je les écris quand je chie. L'ambiance est sale, comme une seringue dans une aire de jeu. Plus j'entends leur bouche parler, plus je vois mentir de leurs deux yeux. La confiance au plus bas, trahison au pluriel. Moi j'ai gardé ma raison, j'ai mis mon cœur dans une poubelle. Et me parle pas de vérité, je sais que chacun a la sienne. L'humanité, je vais la huer, pourtant je regarde dans leur assiette. Goaz, le chétan Marcel, je suis seul dans ses filets. Et si je dois me confier, j'irai parler à un muet. Tous les jours j'en apprends, ça je peux te l'assurer. Et si quelque chose m'attend, c'est peut-être de frapper muret, une attique insomniaque, je passe par des tonnes d'humeur. On a roulé des niaques, ça s'empêche ou une tumeur. Ouais, je fais ça pour le bif, ouais, toutes les passions meurent. Après revenu des morts, non, c'était pas son heure. Donc je remercie le Seigneur pour tout ce temps qu'il nous accorde. Et je maudis le chétan d'avoir mené yo dans le décor. Après la pluie, vient le beau temps, là sur ma vie, il tombe des cordes, des barrettes dans la longchamp des tout petits, on se croyait fort. Okay. Bien, hein, bien, bravo. Voilà, la NASME du Var, de l'accro exactement. C'est la première fois que j'entends un freestyle à capella sur Planet Rap. Attends, c'est devenu répandu. On était venus, frère, déjà pour Soprano. J'étais là pour Soprano, je te rappelle pas, Fred? Mais si, je me souviens de toi, la NASME, bien sûr. Et c'est toujours à capella. Et toujours à capella. Bien ton concept. Du coup, tu captes notre attention. Frère, ça fait deux. La troisième, faut que je sois là, frère. Jamais 203, écoute. Grave. Et la troisième, c'est là-haut, mon frère. Voilà, sur, sur le plateau, tu nous diras quand tu passes du côté. T'es d'où déjà? Il y a même pas, je passe. T'es d'où? Moi, je prends un train cette nuit, frère. J'arrive, frère. Voilà, nous, on est là. Moi, j'ai la dalle, mon frère, tu connais. Je peux passer mes petites dédicaces, les frères, s'il vous plaît? Vas-y, on t'écoute. Alors, déjà, frère, je me présente pour tout le monde. C'est la NASME, L-A-N-A-C-E-M-E. L'équipe, c'est Goaz Music. Vous tapez ça sur internet, vous avez la page Facebook. Et je vais dédicacer tout mon 8-3, LCR, tous mes Goaz, Mamie, Genre, Ager, Ubish, Ro, Lalish, Tonus Bellus, Chebar, Vinka, Mika, Santa Maria, tous mes petits cafards de l'accro qui traînent sur les parkings, tous mes frères du 9-3, des Emmaüs, on est sous bois, mon pote. Voilà, on est là, frère. Missa, Chino, Jumeau, toute l'équipe AK, tous les mecs qui traînent à BF, merci à vous. Merci à tous ceux qui soutiennent, merci à vous aussi sur le plateau, on Je dédicace aussi à tous tes gars, frère. Merci à toi, la NASME, à l'instant, qui était en freestyle avec nous. Alors, qu'est-ce qu'on fait, les dates, Youssoupha? On les annonce maintenant, viens. Maintenant? On peut. Parce qu'il y a une sacrée liste. Vas-y, on est parti, alors. C'est toi qui les annonces, hein? Moi, je les annonce. Okay. Tu veux qu'on fasse. Donc, le Love Music Tour, le Love Music Tour, ouais, tu sais quoi, je vais commencer. Bon, quand t'en as marre, tu t'arrêtes, j'ai la suite. Allez. Vas-y. Le Love Music Tour commence donc dès demain à Nanterre, pour ceux qui sont chauds bouillants pour être là. Donc, ça se passe à la Maison de la Musique. Le 30 mai, on sera au à Ris-Oranger sous Plan. Le 2 juin, au Centre Culturel Gérard Philippe à Calais. Le 5 juin, à Aubervilliers, on arrive à l'Embarcadère. Le 13 juin, on sera à Montréal, ma ville préférée. Au Canada, Québec, Francofolies pour le festival. Il y aura Big Flo et Oli aussi. Il y aura le Paris Orange Rock Corps, ça faut donner, faut recevoir pour y aller. Ça sera au Trianon ou je sais pas dans une autre salle, mais voilà, débrouillez-vous pour vous retrouver là. C'est au mois de juillet, le 2. Exactement, le 2 juillet. Le 19 juillet, je serai en Belgique pour le Dour Festival. Festival incroyable que j'ai déjà fait il y a 2 ans ou 3 ans. Content de revenir. Le 25 juillet à Brive pour le Brive Festival. Le 15 août à Avenches ensuite pour le Rock aux Arènes, c'est un festival incroyable, ça c'est le festival Suisse. D'été. Mmh. Ouais, c'est toujours en Suisse le 15 août. 21 août au Royal Arena Bienne en Suisse, c'est à la ville de Bienne, c'est en Suisse alémanique il me semble, et c'est un festival pareil de ouf. Ah putain, je suis en train de découvrir, ça va être frais en fait. 28 août, concert en plein air à Dreux. Et le 5 septembre, festival Tohu Bohu, Verras sur Sierre en Suisse. Et ce n'est pas fini. Suisse tout le temps, toi. Non, mais grave. Il y a une mallette, il y a un truc. C'est quoi, le pays, il est tout petit. Je crois que je fais 14, 15, 20 concerts par an. Mais là, il y a un business. Non, pas de suspicion, s'il te plaît, Fred. Pas de suspicion. Tes potes de Cahuzac, il y a un truc qui s'est passé. Tu peux me donner les dates d'octobre, s'il te plaît, au lieu de. Attends, Amar. Tu peux faire ton taf de présentation. Eh ben, vous savez quoi, le 9 octobre, il sera à Vernier-sur-Roc, à Vernier en Suisse. Le 10 octobre. Les Docks de Lausanne en Suisse. En Suisse. Docks de Lausanne, très très fort. 29 octobre à la cartonnerie de Reims. La cartonnerie, c'est une nouvelle salle en plus que j'ai déjà fait. Qui cartonne. C'est dingue. Qui cartonne. Oh là là, putain. Je crois que je vais reprendre. Oui, reprends parce que. Le Fil à Saint-Etienne. Ah ouais, putain, j'espère que j'aurai l'occasion d'aller voir un match si ça tombe un week-end parce que j'aime bien. 30 octobre. J'aime bien l'ambiance là-bas. 30 octobre, la saison aura commencé. Le 31 octobre à Paloma à Nîmes. Celui-là, est-ce que je l'ai déjà fait? Je sais plus, mais Nîmes, bref, on arrive sur vous. Le 4 novembre au Transborder de Lyon, ça je connais bien. Mmh. Et ça c'est un peu ma salle à Lyon, on est bien. 5 novembre au Bikini à Toulouse. Et, incroyable, je n'ai pas fait Toulouse dans la précédente tournée, ce qui est très très grave. Du coup on va pouvoir se s'énerver et se venger. La coopérative de mai, classique de Clermont-Ferrand, c'est le 6 novembre. Le Zénith de Paris. Le 10 novembre, le Zénith de Paris, le 10 novembre, et je répète, le Zénith de Paris le 10 novembre. Bah voilà, on va voir, hein, ça va être le flux ultime, mais on va voir. L'étage à Rennes, avec mon ami Thomas Dutronc, qui est cher à moi, c'était ce concert, c'était cette salle-là. Déjà, un concert incroyable. Je crois qu'on avait battu un record à ce concert-là. Je ne dirai pas de quoi, mais voilà, vous verrez quand on reviendra. Carène à Brest, j'aime beaucoup aussi. Ça, c'est toujours les Bretons que je valide. Ville Parisie. C'est à 13 novembre, tu donnes plus les dates, hein, c'est 13 novembre. Hein, 13 l'étage novembre. À Rennes, c'est le 12 novembre. Le 13 novembre, c'est Carré à Brest. Tu veux que je reprenne un peu? Vas-y, reprends, vas-y. 14 novembre, au centre Jacques Prévert. Centre culturel. Centre culturel, évidemment, Jacques Prévert. À Villeparisis. À Villeparisis. C'est pas en Bretagne, mais c'est bien quand même. Le 21 novembre, à El Mediator. Et pas El Matador. El Mediator. El Mediator. De Perpignan. Perpignan. Les Catalans. Les Catalans. On arrive chez vous le 21 novembre, donc, oui. 27 à la Belle Électrique de Grenoble. Ça, je ne connais pas cette salle, mais. On va découvrir. Je me réjouis déjà. Le 28, j'avais fait une mauvaise blague, laisse tomber. 28 novembre, la faïencerie de Creil. La faïencerie de Creil, ça c'est bien ça. Il n'y aura que Black à mon avis ce jour-là, à mon avis. Au 3 musée. Décembre, à Caen, au Cargo. Le Cargo, salle classique. Qui est une salle incroyable. Ouais, cher à Oelsan qui a débuté là-bas. Ouais, le Cargo, on arrive sur vous aussi. 4 décembre, c'est Stéréolux de Nantes. Ouais, la salle pareil, la plus moderne de aussi. France. Ouais, ouais. Ouais, grave, eux, ils sont au dernier cri, eux, à Nantes. Ouais, ça fait beaucoup de dates, on continue. Le 5 décembre, on approche de la fin, je dis ça, vous inquiétez pas. Ouais. On arrive tranquillement de la fin. À la fin. Le 5 décembre, c'est Rocher de Palmer à Senon. Ouais, c'est à côté de Bordeaux. Et c'est une nouvelle salle que j'ai pas encore fait qui accueille du rap français. Là, mais là, on va mettre la barre haute. Le 10 décembre, l'autre canal de Nancy. Salle classique dans laquelle j'avais commencé la précédente tournée. Il y a une petite anecdote. Ouais, non, bah ouais, pour les salles. Parce qu'en fait, ça me revient. Toujours, tu vois, le côté Pierre Belmar. Non, mais le 11 décembre, Youssoufa, que s'est-il passé ou que se passera-t-il, mais à l'aéronef de Lille. Bah, j'ai pas de souvenir. Si, on avait fait la première partie. Non, ouais, MOP. On avait fait un plateau avec MOP et puis c'est pas loin du centre-ville, c'est très très bien pour lui. Le 12 décembre, Palais des Congrès de Cahors. Je ne connais pas bien. Non, je ne connais découvrir. Pas bien Cahors et je ne connais pas bien leur Palais des Congrès, mais c'est le 12 décembre, on va y être. 19 décembre, l'Abbé de Bruxelles, c'est ça, Abbé? L'Abbé, l'ancienne Belgique de Bruxelles, que je connais très bien. Ah, l'ancienne Belgique, voilà. Exactement, qui est à Bruxelles en Belgique. C'est pour tous mes Congolais, le concert sera intégralement en Lingala.

soigne et j'apprends à vous connaître, comme dit le poète. Je le cite et je le chante. Faudrait essayer d'être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple. Ça tourne comme un sample de Paris à Dakar. L'amour nous manque, prends ce texte comme une sadaka. On reste calme avant le carnage qui m'aime me suivre. Je cherche la paix pour mon karma, moi-même je suis bipolaire entre poèmes et vulgarité. Je dis que mes rêves et je ne crois pas aux chaînes de solidarité. Chacun pour soi, la pression est palpable. On est tous solitaires mais on se soigne par le partage. Envoie ce son à trois personnes de ton entourage, qui l'enverront à trois personnes de leur entourage, qui l'enverront à trois personnes de leur entourage, qui l'enverront à trois personnes, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Eh, hey, je l'envoie à trois personnes de mon entourage, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ok, spéciale dédicace à Grenat, à sa femme, à son enfant, son bébé. Spéciale dédicace à Fif dans les studios, hier. Yeah. Spéciale dédicace à Charles Tabou, toute la famille Tabou. Spéciale dédicace à Philemon, dont on m'a beaucoup parlé aujourd'hui, hier. Yeah. Une spéciale dédicace à ceux qui nous soutiennent. Pour This Is, bravo pour ton initiative, on arrive au Bataclan. Who is Malcolm X, très très belle affiche. On arrive, et ainsi de suite. Spéciale dédicace à DJ Lassana derrière les platines, qui fait ça bien. Boma et Musique dans la place. Demain, on sera avec toute l'équipe pour la fin de la semaine. Demain, on va faire une spéciale smile. Aina va venir. Et en tout cas, on va kiffer. Merci pour le soutien pour tout le monde. À l'instant, en live, entourage. Yeah. Et on peut rappeler quand même, c'était le premier morceau qui a lancé Négritude, celui-ci. Et ouais, d'une façon pareille, originale, celui-ci. Hein. Ouais, on l'avait. C'est-à-dire, pour l'écouter, il fallait le partager à trois personnes. Partager, ouais. Tant que tu l'avais pas partagé, et voilà. Et du coup, ça a lancé un peu le ton. Et du coup, on a trouvé pas mal d'idées originales pour défendre l'album. Mais c'était bien. C'est combien il y a eu de partage en tout ou pas autour de ce morceau? Si on a arrêté les compteurs un petit peu. Il y en avait 100 000 justement, parce qu'on s'était dit à un moment, il faudrait arrêter et le sortir sur iTunes. Là, ça n'apprend le micro quand on t'entend bien. Ouais. Il y a eu combien de partages d'entourage? C'était juste. T'as 115 000 partages. Partages, ouais. Donc du coup, ça fait 115 000 fois 3 fois, je sais pas, 4. Est-ce que toi-même, tu l'as partagé avec 3 personnes? Forcément. Moi, je le partage tous les jours avec les auditeurs de Skyrock. D'ailleurs, spécial dédicace à Skyrock, je dis, parce que c'est vrai, j'ai dit, quand Entourage est sorti, je me disais, Skyrock, ils vont le passer, mais ils vont bien le découper. Et en fait, en vrai, pas une seule fois. Ah, t'as vu comme quoi, des fois, t'as vu, un grand prince, pas une seule fois, je suis tombé sur le morceau. Ouais, genre il est découpé, etc. Pourtant c'est les réputations des radios. On se dit la vérité. Pourtant je crois qu'on l'a on a dû le démonter un petit peu. Ah ouais, non moi franchement jamais quand je suis tombé dessus, c'était toujours en intégrale et tout. Mais non, on respecte. Donc 1-0 pour Skyrock. 1-0 pour Skyrock. Merci Youssoufa, c'est bien de le reconnaître de temps en temps. Je te jure. Autre chose? Ouais, non, on attend la suite. D'accord. Non mais en parlant de ça, c'est vrai qu'il y a des morceaux comme ça avec une histoire aussi particulière sur cet album. Il y en a un qui fait beaucoup parler depuis que les gens achètent l'album. Ouais. Qui s'appelle Point Commun. Point Commun. Alors on est mardi. On va pas tout dire encore. Non, mais est-ce qu'on peut dire un petit mot chaque soir? Ouais. Alors qu'est-ce qu'on pourrait dire sur Point Commun, par exemple? Donc c'est un morceau. Si jamais... les gens se posent des questions sur ce morceau. Bah, par exemple, je pourrais dire, si jamais vous avez acheté l'album, déjà merci. Rachetez-le. Si vous avez écouté, voilà, rachetez-le. Mais si jamais vous l'avez écouté l'album et que vous avez écouté le morceau Point Commun, il se passe un truc à la fin. Ben, parlez-en autour de vous et surtout avec quelqu'un qui a acheté aussi son album pour voir si jamais vous avez. Voilà, bref. Ah, très bien, stop. Échangez propos de Point Commun. Entre deux personnes qui ont acheté le CD, échangez et donnez-nous votre avis. Allez-y, 41-759. Vendredi, il y aura le dénouement de tout ça. Enzo, espèce de balance. Ben. Entourage a été découpé sur Sky, il y a une période Youssou. N'importe quoi. Oh là là! Putain, t'as vu? C'est vrai ou pas? Je mènerai mon enquête. C'est faux. Je mènerai mon arme. Enzo franchement... doit travailler pour une autre radio. Il y a écrit Enzo Fun Radio. Ah. Non, non, tout le monde regarde. Non. C'est vrai que ça rime en plus. Ouais, Enzo Fun Radio. Et puis c'est grave un nom pour passer sur Fun Radio. Oui, ouais, je trouve que c'est. Ça peut passer aussi. Ça fait grave Fun Radio. Bon, on va écouter un morceau avant de se quitter, avant de retrouver la radio libre de Difool. Difool qui est dans les bouchons. Donc il nous écoute aussi en ce moment. Exactement. Moi, je lui passe la dédicace. Et on lui souhaite bon courage. Et moi, je vais courir tout de suite au concert de Malcolm X au Bataclan. Qu'est-ce qu'on s'écoute pour se quitter? Ben, dis-moi. C'est moi qui choisis. Ouais. Je sais pas, les gens. Ouais, je sais pas. Soyez pas timide comme ça, c'est une idée sur c'est le pas l'armée, c'est pas l'armée. Mannschaft, j'entends Mannschaft, hein. Mannschaft. Allez, chanson française, Mannschaft, chanson française. Tiens d'ailleurs, profitons-en aussi pour poser. Qui est pour Mannschaft? J'avais qui est pour chanson française? Ouais. Bon, j'ai mis encore mes questions. On écoute Mannschaft. Non, mais on va le mettre juste. Je voulais juste t'en finir sur une question parce qu'il y avait une question sur Mannschaft avant de le balancer. Si je la retrouve, une question qui venait de l'appeler de Youssoufa en disant est-ce que c'est normal la faute de Français? Ouais, c'est revenu souvent. Ouais, t'as vu, c'est nous qu'on gagne, c'est nous la Mannschaft. Non, parce qu'en fait, je trouvais ça marrant. Pour la rime. Bah oui, pour la rime. Mais sinon, les gens sont libres de dire. C'est nous qui gagnons, s'ils veulent. Tu vois. Mais c'est plus. Ouais, c'est un peu plus long. C'est un peu plus long, mais vous êtes libre de remettre tout ça. Voilà. Comme on dit, le rap va bien, la grammaire va mal. Allez, c'est parti. Petit cours de Becherel maintenant, avec Youssoufa. Yeah! Qu'on était calme, fils, t'as du mal à comprendre. Dans ce foutu rap, y'a qu'à mon mic à qui je fais grave confiance. À ce niveau-là, j'ai pas de morale ni de cas de conscience. Nique l'autotune, nique le trap, nique le rap conscient. Il faut que tes gars se concentrent, il faut que tes gars se contemplent. Cash content, book toujours indépendant, mais regarde contente. Que le rap français me néglige, il ne sait pas ce qu'il rate. Si j'étais né vers Queensbridge, je serais Nastina. Ils parlent de shit gun, gangsta dans leur single. Mais calme-toi ma petite gueule, à ce qui paraît un big buzz. Cherchez le buzz, ça reste le biz des blaireaux. T'as dû faire 200 000 vues la semaine où j'ai fait 200 000 euros. Mais c'est pas parce qu'on veut se faire rare qu'on est plus à la mode. Les rats ne deviennent jamais rois, même quand le lion est mort. Énorme, on prend du grade, les mauvaises langues j'acte. Et à la fin, c'est nous qu'on gagne, c'est nous la Mannschaft. Mannschaft, c'est ça même. Mannschaft, on vous avait dit qu'on allait rejeter. Et à la fin, c'est nous qu'on gagne, c'est nous la Mannschaft. Geste, geste, geste. Geste, geste, Mannschaft. Geste. Je reste posté là, quand les fantômes deviennent des hologrammes. J'ai vu Tupac au festival de Coachella. J'ai accroché là, bête, je vous vois hocher là. Tête de ce côté-là, j'guette, je reviens choqué là. Faites, ok, pendant que le temps te détend, il est temps dans la tente, militant, prends le temps de décoller. Dédicace, lyrical pour tous les gars, délicate, illégal, inégal sont les données. Si tu fais les comptes, y'a les comptes, dis les comptes, et les tombes, et les comptes, si tu tombes, t'as déconné. S'il y a des balances, alors tendez les bandes, et les bandes, et les bien avant qu'elles tentent de nous donner. J'rappe en carnage. Black Riposter, Kinshasa Karma, Pac Harry Potter. Et j'ai l'humeur qui change beaucoup. Va demander à tes potes. Je suis tyrannique mais un peu cool. Saddam Hussein Bot. Et je me révolte, authentique comme un Chicano. En moi tout seul, l'orgueil de Vegeta et de Cristiano. Je les rends parano. Du coup les mauvaises langues j'acte. Mais à la fin, c'est nous qu'on gagne. C'est nous la Mannschaft. Mannschaft. Démons à moi sont encore gros millions. En vérité, je ne défends pas la vérité, je défends mes opinions. C'est extrait de l'album Négritude, Youssoupha avec Manshaft à l'instant. Pendant que Youssoupha est en train de dédicacer un magnifique coffret collector, on l'a pas dit Youssoupha, mais c'est vrai qu'il y a des jolis coffrets collector aussi. Ouais. Que tu es en train de dédicacer, qu'on peut montrer d'ailleurs sur les images, le Skyrock FM. Bon réalisateur. Momo, fais-nous un travelling. C'est beau en tout cas. Franchement, il part vite ceux-là. Je crois qu'il doit en avoir plus. Quasiment plus. Il y avait quoi dedans? Il y avait l'album évidemment. Il y avait l'album plus un t-shirt et comme. Si on dirait été, on dirait les meufs du juste prix, tu sais, comment je le présente. Non, franchement, stylé à mort, stylé à mort. Bon, continue de dédication, fait tourner la roulette pendant ce temps-là et on retrouve Diffoul juste après toute l'équipe. Je m'appelle Max. Skyrock t'offre le Max Fury Road au ciné. Pour toi et 4 personnes de ton choix. Survivre. Mélissa de la Verrière, comment ça va Mélissa? Ouais, ça va, ça va. Bienvenue dans le Planète Rap avec Youssoupha. Tu es prête à faire tourner la roulette? Ouais, tout à fait. Et bon, on y va Mélissa, dès que tu veux, tu dis stop, c'est parti. Ouais, Mélissa qui a jeté le Y en l'air et qui repart avec ses 5 places pour aller voir Mad Max Fury Road, le film événement. T'es la meilleure. Yeah, ça fait plaisir, ça fait grave plaisir. Eh ben Mélissa, est-ce que ce sera aussi le mot d'ordre sur la tournée, toujours jeter son, mais obligé. Son Y en l'air obligé. Mais oui, bah bien sûr, obligé que je serai là le 10 novembre au Zénith. Ah voilà, connaissez classique, hey, j'ai rien à dire, je te jure. Je te laisse les clés du Zénith, je me prends même pas la tête. Ah ben je veux bien alors, je serai partout, t'inquiète. Merci beaucoup ma soeur. Et bon, on te fait un bisou Mélissa. Ouais. Bah merci, tu veux juste passer une petite dédicace? Vas-y, on t'écoute. Je fais une petite dédicace à tous ceux qui me reconnaîtront, à mes sœurs, parce que c'est pas possible sans elles. Et Youssoupha, juste continue comme ça, t'es une meilleure et génial. Merci Mélissa, merci du fond du cœur. Youssoupha qui court un peu parce qu'il y a le concert avec Disney. Ouais, mais maintenant. Je te remercie quand même, je t'embrasse ma sœur. Il a pris le temps de te remercier, on te fait un bisou Mélissa. Ouais. Ok, merci, c'est gentil. Je pourrais avoir mon portrait? Ah bah attends, mais Mélissa, tu donnes un truc, tu vois. Allez, je te laisse négocier avec Marjo, bon courage. Merci. Salut Mélissa. On va retrouver Diffoul maintenant, il est grand temps de retrouver. Eh ben oui, quoi, Diffoul dans sa bagnole. Oui, parce que j'ai entendu que Diffoul avait quelques petits soucis non, de mais véhicule. Il arrive, il voulait pas voir Youssoupha, donc il, je lui dis que Youssoupha se barre. Bah lui non plus, parce qu'il s'est barré. Donc, ah mais ils vont se croiser dans la rue alors. Ah bah merde. Putain, c'est raté. Bon, merde, manqué. Le truc à loser, quoi. Non mais Diffoul est avec nous en ligne et je crois qu'il est pas loin. Ouais, il est tout prêt. Derrière. Ah, juste derrière Marie. Oui. Juste derrière Marie, oui. Ah bah que se passe-t-il alors ce point circulation Diffoul? Bah, le point circulation pour nos amis parisiens et parisiennes qui nous écoutent ce soir, c'est bloqué sur la place de l'Étoile. Ah. Diffoul Futé qui vous donne les conseils de circulation de ce soir. Bloqué place de l'Étoile, donc on salue ceux qui sont à place de l'Étoile à l'arrêt. Je suis resté 20 minutes, c'est pas mal. Waouh! Et après. Ah ouais, parce que moi, ça a grave bien roulé. Et après, ça roule, mais alors, super après. Non, mais ouais, donc c'est vrai, en fait, c'est place de l'Étoile. Ben, je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu un truc. Faut pas passer là-bas. Non, mais il y avait pas un président aujourd'hui? Ah, je sais pas, il a cassé les couilles à tout le monde en tout cas. Ouais, parce que ce matin, j'ai vu les flics qui étaient costumés là. Ah, en habit de parade et tenue de soirée. Quoi. Ouais, c'est ça, c'est la chemise blanche et tout. Les cœurs se sont travestis aujourd'hui. Ah ouais, donc je pense qu'il y avait une visite officielle. Je dirais tap talap talap tap. Ah, très bien. C'est la visite officielle de travestissement de la police. Nous arrivons actuellement rue Greneta, c'est-à-dire juste à côté de Skyrock. Ah bah parfait. Autrement dit, c'est parti. Romain, tu as pris les commandes? Eh oui, c'est j'ai bon. Pris les commandes et on va attaquer avec Florida là. Ah, on a failli écraser un cycliste chauve. Ah, c'était pas moi. C'est et bon, vous auriez pu l'écraser. Ils sont partout. Ah ouais, partout. Les CRS qui nous écoutent peut-être dans leur car, comme ils sont juste à côté, je les salue. Ah bah bonjour à eux. On ne sait jamais. Bon apéro. Ouais, c'est là, oui. 20h56, c'est ah, largement. Là, ouais. Ça a attaqué déjà. Merde, mon sac est tombé. Voilà, bah pourri en action. Voilà. Bon, bah Diffoul, on va te laisser monter. Va pas te casser un bras en prenant ton sac à dos là. Nous, on va écouter Florida. Oui, c'est bien. Voilà, Fred. Et puis, oui. Fred, on te donne rendez-vous demain. Bah, je vous écoute attentivement pour l'instant. On te salue. J'ai écouté toute Planète Rap, des bouchons, c'est bien pratique pour ça. Hein. Ah, bah ça fait plaisir. Vivement demain. Oh, je te vois passer, Diffoul. Oh, magnifique, il est magnifique. Donc il va pas tarder à débarquer, ouvrir la porte. Le nez en avant, attention. Il fend le vent, la mise. Va-t-il se péter un truc avant de rentrer dans le studio? Ah, là, je crois qu'il est tombé. Parce que c'est pas normal ici, tu l'as vu passer qu'il est pas arrivé. Attends, de l'autre côté. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah ça y est, on l'a perdu. Qu'est-ce qui se passe? Bah, il est là pourtant. Ah, il est là. Ah, il est là, c'est bon. Avec Marie qui est. Ah bah le voilà, regarde, c'est bon, il arrive. Je dans Planète Rap. Je peux faire un freestyle là. Voilà. Ouais, je peux faire un freestyle, Difool. Je suis dans les studios de Planète Rap. Arrivé en direct quoi. Momo, gros plan, gros plan, gros plan, gros plan. Sur le nez de Difool. Ah, bah, je filmais. Et Marie vient d'arriver de notre côté. Ah, ouais. Elle arrive pas à passer. Oulala, elle essaye. J'entends rien. T'as pas entendu? Elle a quoi, Marie? Bah, je sais pas, elle est là. Elle a poussé un cri. Elle titube. Elle est large, elle passe plus dans la porte. Elle était là en train de pousser. Elle s'est pris le mur, quoi. Mais non, c'est Samy qui se poussait pas. Ah oui, c'est moi, j'ai pas poussé le mur. C'est le président de Singapour qui est à Paris, nous dit. Ah, bah voilà, je savais bien qu'il y avait quelqu'un. Mais non, c'était hier. Je sais pas. Bah, non, mais aujourd'hui, ils avaient leur habit de parade. Là. Ah bon? Il a refait un deuxième défilé. Là. Tu fais les chants. Allez, remets-moi une tournée. Quoi. Allez, remets-nous la tournée, le président. Bon, bah c'est parti alors. Eh bah, ouais, bah tout de suite, Difool. Tu fais pas, tu lâches pas un 16 comme on dit dans le métier. Oh, Marie va le boire, ça suffit, tu vois. Pour le 16. Bon, Florida, on aura le temps. Non, on démarre juste après la pub. Là. Allez, juste après la pub. Ouais. Et Florida, on se le met dans une demi-heure. Ouais. C'est parti. Eh bah, tout de suite. À toutes. À tout de suite. Ciao, ciao. La journée sur Skyrock.